بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Le dars aujourd'hui est de Tawhid. On va expliquer une toute petite risala, un tout petit épître du Cheikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullah ta'ala, qui s'appelle Sab'u Maratib, 7 étapes. Il est, cet épître, on le trouve dans plusieurs compilations, et il est dans Dawar Saniya, dans le volume 2, le Mujallad Al-Thani, Kitab Al-Tawhid, Safhat 94, la page 74, et il fait exactement 3 pages. Il s'étend de la page 74 à la page 76. قال رحمه الله تعالى الجيل الشيخ رحمه الله تعالى إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. Si Allah سبحانه وتعالى ordonne à son serviteur une chose, il lui est obligatoire de passer par 7 étapes. Ce qu'il va faire le Cheikh rahimahullah, c'est qu'il va donner les 7 étapes d'un coup, et ensuite il va détailler et donner des exemples. L'intérêt de cette risala, comme des autres risalas du Cheikh, c'est, premier point, l'ikhtisar, le fait qu'elle soit extrêmement résumée. Et ça, c'est une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite c'est une pratique des salafs, des 3 premières générations, des anciens de cette communauté. Comme ils disent certains ulama, comme Ibn Rajab, kana yaqul kalam as-salaf, as-salafu ou kalam as-salaf qalil al-kalam kathir al-baraka wa kalam al-khalaf كثير الكلام قليل البركة أو كما قال ابن رجب رحمه الله. Il disait, les paroles des salaf sont un petit nombre, peu de paroles pour beaucoup de bénédictions, pour beaucoup de ilm, de tadabbur, de méditation du Coran, de la Sunna. Et la parole des khalaf, c'est des gens qui ont, par opposition aux salaf, qui les ont suivis. Et par opposition à eux, c'est aussi les innovateurs, les gens du kalam, de la théologie spéculative, etc. Mubtadi'a. Il est en grande quantité, c'est-à-dire ils ont écrit beaucoup de livres, beaucoup de paroles, ce qu'on dirait à notre époque trivialement, beaucoup de blabla, pour très peu de bénédictions, ça a très peu de science. Et c'est exactement, et le cheikh, il essaye de suivre la voie des salaf en cela, en donnant peu de paroles, beaucoup de baraka et de science. Donc, je répète, إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. Si Allah سبحانه وتعالى il ordonne au serviteur une chose, il lui rend obligatoire 7 étapes. الأولى العلم به. La première étape, le fait d'avoir la science, la connaissance de cette chose. C'est-à-dire la première chose qu'il faut avoir, c'est connaître l'ordre d'Allah سبحانه وتعالى avant de passer aux autres étapes. Celui qui ne connaît pas déjà et qui n'apprend pas l'ordre d'Allah عز وجل, comment il va arriver à l'étape suivante. Donc le premier, c'est la science ou la connaissance de cette chose. La deuxième, al-mahabba, le fait d'aimer cette chose. Lorsque l'ordre il te vient d'Allah, Azza wa Jal, Dieu des 7 cieux, il te vient à travers le Coran et la Sunna, d'abord tu apprends cet ordre-là, et ensuite tu l'aimes, parce qu'il vient d'Allah. Thalithatu, al-azmu ala al-fi'l. La troisième étape, le fait d'avoir l'intention de faire cette chose-là. Al-rabi'atu al-amal. La quatrième étape, le fait de faire, d'agir. L'acte. Le fait d'agir selon cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire, plus ça avance, plus ça devient dur. Al-khamisatu, كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. La cinquième étape, comme quoi cet acte, cet ordre qui vient d'Allah, il est appliqué en fonction de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mashru' de manière légiférée, et à deux conditions. Khalifan, sawaba, qui soit exclusivement et purement pour Allah, ça c'est le premier. Et le deuxième, sawaban, qui soit conforme à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, qui soit purement pour Allah, avec l'ikhlas, le culte pur et l'intention pure. Et le deuxième, qui soit al-muafaqa, la conformité au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, le premier c'est quoi? S'il n'est pas mukhlis, s'il n'est pas khal, c'est quoi? C'est du riya, c'est de l'ostentation. Au mieux, et au pire, c'est du shirk akbar, c'est de l'adoration pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, là on en est au cinquième, hein, le fait, cinquième étape, que l'acte commis, que l'ordre lorsqu'il est appliqué, il est appliqué de manière légiférée. De manière légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de manière légiférée, ça repose sur deux piliers. L'ikhlas ou al-mutaba'a, qu'ici il a appelé al-sawab. Le fait que ça soit purement pour Allah, et le fait que ça soit conforme à l'islation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier, on pourrait dire, c'est comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. Ça veut dire, l'intention, il faut qu'elle soit purement pour Allah azza wa jal dans les actes pour qu'il accepte l'acte, hein. Le deuxième, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith de Aisha, dans le Bukhari ou Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Celui qui fait une chose innovée dans notre religion, cela sera rejeté. Cela sera rejeté. Et si c'est pas conforme à la législation, même si la personne il a toutes les bonnes intentions qu'il veut et il fait le dhuhr 3 raka'a, c'est un exemple abusé mais c'est vrai, il fait le dhuhr 3 raka'a, cet acte, ce dhuhr là, il lui sera rejeté au visage. C'est pas la personne qui dit j'ai une bonne intention, j'ai fait le dhuhr 3 raka'a parce que j'avais des choses à faire, ou quoi que ce soit, hein. Ou d'ailleurs, c'est une question, la question qu'on a citée, c'est rare, mais une question qui est beaucoup plus répandue, le fait de faire le dhuhr à l'heure de l'maghrib, par exemple. Ou le fait de faire le dhuhr à l'heure de l'asr. On va voir dans les durus de fiqh, dans les durus de la salat, inshallah dans ce dars ou le dars d'après, comme quoi celui qui prie une salat en dehors de son heure, la salat, elle n'est pas acceptée. Celui qui fait le dhuhr, il est actuellement, par exemple, on va dire de midi 40 et l'asr il est à 3h05, tu fais le dhuhr volontairement, ça veut dire même par excuse du travail ou de l'occupation, je sais pas quoi, c'est pas que t'es en train de dormir ou vraiment tu fais le dhuhr à 3h20, il est pas accepté. Ton dhuhr, tu l'as perdu. Ton dhuhr, ce dhuhr là de ce jour là, il était de telle heure à telle heure, après c'est fini, sauf si t'étais en voyage ou sauf si t'étais malade. Ou sauf si la femme elle est enceinte. Ou sauf s'il y a des, voilà. Il y a des excuses, mais en dehors de ces excuses-là, la salat elle est plus acceptée. Allah, il a dit, inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants une obligation en son temps. As-sadisatu at-tahdhiru min fi'li ma yuhbitu. La sixième étape, le fait de faire attention aux actes qui annulent cet acte-là. Ça veut dire quoi? Que la personne, il fait attention, une fois qu'il a fait tout cela, il faut qu'il fasse attention à ce qui annule l'acte. Et on le sait, tout acte, y compris l'islam, puisque l'islam c'est un acte, l'islam ou l'amal, l'acte, l'islam, la foi, le tawhid, tout ça, il y a des choses qui les annulent. De même la salat, il y a des choses qui l'annulent. De même la sadaqa, par exemple, il y a des choses qui l'annulent. Si la personne il fait une sadaqa, et qu'ensuite il fait le men, ça annule sa sadaqa. Le men c'est quoi? Il va voir la personne et lui dit, hier je t'ai fait sadaqa, hein. Hein, je t'ai donné 10 euros, tu t'en souviens, hein. Et comment ça s'appelle, je t'ai donné 10 euros, c'est pas pour la face d'Allah, ces 10 euros, il les a donnés pour autre chose. Hein, mon gars. Ça annule la sadaqa. Sixièmement donc, le fait de faire attention à ce qui annule l'acte. وَالسَّابِعَةُ الثَّبَاتُ عَلَيْهِ. La septième chose, le fait d'être ferme sur cet ordre-là. As-sabatu alayhi, le fait d'être ferme sur cet ordre-là. Subhanallah. Ces sept points-là. Prenez. Subhanallah. Ajib. Min tadabbur al-shaykh. Min shiddati tadabbur al-shaykh. Le kitab wa sunnah. Le fait qu'il ait médité le Qur'an et la sunnah d'une manière vraiment extrêmement profonde et longue, puisqu'il a vécu longtemps et sa da'wah a duré longtemps. plus de 80 ans. Comme quoi, regardez n'importe quel ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du plus grand, c'est-à-dire le tawhid, jusqu'au plus petit, et vous appliquez ces 7 points-là. Regardez-les, vous appliquez ces 7 points. Et il va donner des exemples. Ces points, ils sont valables sur tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et y compris sur le fait de s'abstenir de ces interdictions. Après, ensuite, il dit le shir, et il donne des exemples. إِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالتَّوْحِيدِ وَنَهَا عَنِ الشِّرْكِ. Premier exemple, si l'homme sait que Allah a ordonné le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'unifier Allah et de croire qu'il est un, le seul créateur et pourvoyeur, deux, le fait de lui donner toute l'adoration et de renier l'adoration d'un autre que lui, et trois, le fait d'affirmer ses noms et ses attributs tels qu'ils sont venus dans le livre d'Allah, dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si la personne a su qu'Allah a ordonné le tawhid et a interdit le shirk. Deuxièmement, عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا. Et il a su qu'Allah a rendu permis البيع, la vente, le commerce, et qu'il a interdit la riba, l'intérêt, l'usure. وعرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وحل لوليه يأكل بالمعروف. Aussi, il a su, il donne un autre exemple encore, qu'Allah a ordonné de manger les biens de l'orphelin. Mais qu'il a autorisé à celui qui a la charge de l'orphelin d'en manger de cet argent, d'en prendre dans le bien. C'est-à-dire qu'il a une personne qui a sous sa charge un orphelin, qui a de l'argent, il peut utiliser cet argent dans le ma'ruf. C'est-à-dire, c'est pas pour payer la scolarité de cet orphelin, pour l'habiller, etc., etc. D'accord? In kana faqira, s'il est pauvre. Il a le droit de faire ça, s'il est pauvre. S'il a su toutes ces choses-là, il donne l'exemple. وَجَبَ عَلِهِ يَعْلَمَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَيَسْأَلْ عَنْهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفَهُ وَيَعْلَمَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَيَسْأَلُ عَنْهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفَهُ. Une fois qu'il a su ces choses-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est une obligation pour lui qu'il fasse connaissance ou qu'il sache les ordres d'Allah. C'est une obligation pour toi d'apprendre les ordres d'Allah. C'est pour ça qu'il y a des sciences, on a dit. Il y a une manière des sciences, ou une science, ou des sciences qui sont obligatoires. L'ilm fard'ain. Une obligation pour chaque musulman. Il faut que tu saches ce que Allah t'a ordonné. Si tu sais pas ce que Allah il a ordonné, comment tu vas l'appliquer? Si tu sais pas les interdits d'Allah, comment tu vas les et c'est ça le secret. C'est ça le secret du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'il croit Al-Juhal, comme quoi toute personne qui prétend être savant craint Allah. Ça, on sait très bien que c'est pas vrai. Il y a plein de savants du mal. Il y a plein de gens parmi les savants, non seulement des juifs, des chrétiens, mais aussi les savants de cette communauté, qui sont des savants égareurs, qui, comme il a décrit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du'atun ala abwabi jahannam, des gens qui appellent aux portes de l'enfer. On est d'accord sur ça, non? Ça veut dire que celui qui a la vraie science, entre l'ignorant et celui qui a la science, il va toujours plus craindre Allah. Pourquoi? Parce qu'il va savoir les interdictions, il va s'en abstenir, et il va savoir les choses obligatoires, et il va les appliquer. Et un shalat, c'est l'amal. Ici, la condition, c'est quoi? C'est qu'il agisse selon sa science. Sinon, ça ne lui profite à rien. Comme ils ont dit les ulama dans leur livre, « وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَدَّبٌ قَبْلُ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Et un savant qui par sa science n'agit pas sera châtié avant les adorateurs d'idoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne il ne sait pas ce que Allah a interdit parmi les viandes, parmi les boissons, parmi les choses du shirk ou quoi que ce soit, il va tomber dedans. Il va manger le haram. Il va, etc., etc. D'accord? Alors celui qui a la connaissance de ces choses-là, celui qui a la connaissance de ces choses-là, il va s'en abstenir. Vous avez compris ce point-là? Donc il est une obligation pour lui qu'il connaisse ce qu'Allah a ordonné et qu'il questionne jusqu'à ce qu'il le sache. C'est-à-dire, non seulement c'est une obligation d'apprendre la science, mais c'est une obligation de quoi? De demander à celui qui connaît la science, de demander, de chercher dans le din. Si la personne, il ignore et que dans son ignorance, il n'a jamais cherché à savoir, il ne sera pas excusé. Ça, c'est dans tout. Oui. الجهل الذي يعذر به وما لا يمكن دفعه ما لا يمكن دفعه l'ignorance qui est excusée c'est l'ignorance qu'on ne peut pas l'ignorance qui est excusée c'est l'ignorance qu'on ne peut pas comment on pourrait dire ça qu'on ne peut pas repousser c'est-à-dire que la personne elle a pas de capacité pour apprendre dans ce cas-là elle sera excusée mais si la personne il a le Coran chez lui il a des gens qui ont de la science proche de chez lui et il pose pas de questions et il mange le haram et il fait le shirk et il fait le kufr et il annule son islam et il se marie pas comme il faut et etc etc ben tout cela il sera pas excusé par son ignorance déjà je savais pas que on pouvait pas marier la femme pendant sa idda ah je savais pas qu'on pouvait pas divorcer la femme pendant ses menstrues ah je savais pas qu'on pouvait pas manger la noix de muscade parce que c'est un enivrant et c'est utilisé comme une drogue. Hein? Et que ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram, ce qui enivre en grande quantité, enivre en est interdit en petite quantité. Donc la noix de muscade que vous voyez là, une épice, c'est une drogue, c'est haram de l'utiliser. Ça se vend dans les épices. La noix de muscade, on en prend 4, on le met dans un verre d'eau, c'est comme si la personne en avait bu des litres d'alcool ou fumé je sais pas quoi comme drogue. D'accord? Donc même en petite quantité, ça devient haram. Hein? Et pire encore, je savais pas que la démocratie, ça faisait sortir de l'islam que pour voter dans des élections législatives ou présidentielles, ça annulait l'islam. Que la personne, c'est comme s'il adorait une statue. C'est comme s'il faisait tawaf autour d'une tombe. C'est comme s'il jetait le Coran dans les ordures. Il a associé Allah subhanahu wa ta'ala. وَاَعْتَبِرْ ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَسْأَلَةِ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ Et Dieu prend leçon à propos de la première question. C'est-à-dire, on va appliquer ces 7 étapes à la première question qui est quoi? La question du tawhid et du shirk, la plus importante question. La question pour laquelle le paradis et l'enfer ont été créés. La question pour laquelle l'inimité et la haine, ils ont commencé entre les fils de Adam et Iblis. La question pour laquelle le djihad, il a été légiféré. La question pour laquelle le sang, il a coulé. Les diyars, ils ont été, il y a la différence entre la terre de l'islam et la terre du shirk. La raison pour laquelle tu rentreras au paradis, éternellement, ou tu rentreras en enfer, qu'Allah nous en préserve éternellement. C'est quoi? C'est le tawhid ou le shirk, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là où l'associationnisme à Allah et le polythéisme. Et ensuite, il donne l'exemple. Aksaru nas, sadaqa wallah, aksaru nas alima anna tawhid haqqun, wa shirku batilun, walakin a'rad anha, walam yas'al. Il dit, la plupart des gens, ils savent que le tawhid est vérité. Lorsque tu lui présentes le tawhid comme ça, de manière claire, l'unicité d'Allah, le sens de la ilaha illallah, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invocation, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation, le jugement, le fait de s'allier pour Allah, d'aimer pour Allah, de tester pour Allah, tu lui ramènes les versets du Coran, tu dis c'est vrai, c'est le haqq. Il peut pas. D'accord? Les preuves du tawhid, elles sont plus claires que le soleil en plein jour. La plupart des gens savent que le tawhid est vérité, que le shirk est batil. Mais ils se détournent de cela. Et ils ne posent pas de questions à propos de cela. Ma'amulala. Wa'arafa anna Allah harrama al-riba wa ba'a wa ashtara wa lam yas'al. Et beaucoup de gens savent qu'Allah, il a interdit al-riba. Il a interdit l'intérêt ou l'usure sous toutes ses formes. Là, de nombreuses formes. Deux principales. Mais, cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait? Il achète et il vend et il ne pose pas de questions à propos de cela. C'est-à-dire, s'il faut, il tombe dans le riba. Il ne sait même pas. Pourquoi? Il ne pose pas de questions aux gens de science. وَعَرَفَا تَحْرِيمَ أَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ وَجَوَازُ الْأَكْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَوَلَّ مَالَ الْيَتِيمِ وَلَمْ يَسْأَلِ. Et beaucoup de gens connaissent l'interdiction de manger les biens de l'orphelin. Et ils savent qu'il est permis d'en manger dans le bien. C'est-à-dire, on l'a dit, si la personne, il est pauvre. Mais ils se détournent de cela. Et ils mangent les biens de l'orphelin et ils ne posent pas de questions à propos de cela. Pour voir si c'est halal ou haram. Al-Martabatu Thaniya, la deuxième étape. Mahabbatu ma anzal Allah wa kufru man kariha. Ni qawlihi, dhalika bi annahum karihu ma anzal Allah fa ahbata a'malahum. Fa aktharu nasi لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. La deuxième étape, le fait d'aimer ce qu'Allah a révélé. Le fait d'aimer ce qu'Allah a révélé et la mécréance de celui qui déteste ce qu'Allah a révélé. On l'a déjà dit, c'est l'annulation de l'islam, on en a parlé, non? Bourdou, Majabihir Rasoul, le fait de détester ce avec quoi le messager est venu dans les admirations d'islam. Et la preuve, c'est la même. Il dit quoi? ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم من سورة محمد verset 9 الله عز وجل dit ceci car ils ont détesté ce qu'Allah a révélé et Allah a annulé leurs actions. Et quand Allah parle dans le Coran de حبوط العمل, de l'annulation des actions, ça implique la mécréance majeure ou le shirk majeur qui précipite son auteur dans le feu de l'enfer éternellement. Ça que ça implique. L'annulation de l'âme. Il dit ensuite, la plupart des gens n'aiment pas le messager. Ici, il parle de quoi? Il parle des gens à son époque. Le cheikh Mohammed, il est dans la péninsule arabe. Hein? Il y a 2 ou 3 siècles. Et pour lui, il dit que, selon lui, la plupart des gens n'aiment pas le prophète. Et moi, je te dis, ya Abdallah, que si tu vas dans la mosquée de ton quartier, ou que tu rencontres les gens qui se prétendent à l'islam, beaucoup de gens n'aiment pas le prophète. Ils prétendent qu'ils aiment Mohammed. Ah, Muhammad, Rasulullah, bien fort, sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, t'aimes pas sa sunnah. T'aimes pas le tawhid. T'aimes pas la sharia d'Allah. T'aimes pas qu'on coupe la main au voleur, alors qu'Allah, il a autorisé dans le Coran et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il l'a fait. T'aimes pas les gens qui ont des barbes. T'aimes pas le jihad fi sabilillah. T'aimes pas le wala wal bara, le fait qu'Allah, nous ordonne de s'allier avec les alliés d'Allah et de détester les ennemis d'Allah. Est-ce que t'aimes vraiment Muhammad? Ou t'aimes une chose que tu penses être Mohammed, mais lorsqu'on te montrera la réalité et la vérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa religion qui est l'islam, tu vas la détester. La réponse est claire. La plupart des gens, ils détestent la réalité de l'islam. Haqiqatul islam, ils le détestent. La réalité de l'islam, celui qui implique al-wala, al-bara, l'alliance et le désaveu, celui qui implique l'hijra, celui qui implique le fait d'appliquer les ordres du Coran dans tout, le fait que la femme doit se voiler de la tête aux pieds, le fait que l'homme peut avoir plusieurs épouses s'il est juste, le fait que, etc., le fait que la femme, elle hérite la moitié de l'homme, etc., etc., avec toute justice venant de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la plupart des gens, ils détestent ça. Donc, d'accord, c'est parce qu'ils le connaissent pas. Hein? Wala wa alim Allahu fihim khayran la asma'ahum. Si Allah, ils avaient vu en eux du bien, ils leur auraient fait entendre. Et s'il l'aurait fait entendre, il se serait détourné, tout en se détournant. Hein, c'est un peu le même mot. C'est dans Surat Al-Anfal, au début. La deuxième, troisième page. Al-Martabatu Thalitha, la troisième étape. Al-Azmu ala al-Fi'l. L'intention de faire l'acte. C'est-à-dire que lorsqu'il te vient l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit aisé ou difficile, puisque ça peut être difficile, ça, c'est pas la question ici, non. C'est le fait de l'aimer et ensuite d'avoir l'intention de l'appliquer. L'intention ferme, lorsqu'Allah Azzawajal te vient avec l'intention, t'as l'intention ferme. T'as pas d'argent pour l'instant, mais lorsque t'auras de l'argent, tu feras le hajj. T'as pas la capacité pour l'instant, mais lorsque t'auras la capacité, tu feras le hijra. Tu laisseras la terre de mécréance pour aller vers la terre de l'islam, hein. T'as pas la capacité maintenant, mais dès qu'il te vient, t'appliques n'importe quel ordre d'Allah, Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. وكثير من الناس عرف وحب ولكن لم يعزم خوف من تغير دنياه. Il dit ici une grande sagesse. Il dit beaucoup de gens, ils savent la vérité, premier point, et ils aiment la vérité en plus. Mais il n'a pas l'intention d'appliquer l'ordre d'Allah. Pourquoi? De peur que sa vie d'ici-bas change. Sa vie d'ici-bas change, c'est-à-dire qu'il perde sa vie d'ici-bas. De quelle manière? Il peut perdre sa position, hein? Dans la meilleure des cas, on va dire. Il peut perdre sa position, il peut devenir plus, par exemple, plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'il délaisse un travail, par exemple, où il y a le haram. Et il le délaisse parce que c'est contraire à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va perdre de l'argent. Il peut perdre même la liberté. Pourquoi? Parce que cette religion, elle est lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah Azza wa Jalla a dit à Muhammad au début de la mission, nous allons te donner une parole lourde. Ça veut dire quoi, lourde? Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu la révélation, c'est pas comme maintenant l'islam du 20e siècle là. T'es musulman, tu fais la salat, t'as soit dit sur le tawhid, et ta vie, elle change pas. Hein? Tu vis toujours de la même façon, tu travailles toujours de la même façon, tu te lèves, tu travailles, tu dors, tu manges, tu... De la même façon, tu t'amuses, tu vas à la télé, tu rigoles, quoi que ce soit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam est devenu, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a changé complètement sa vie. Hein? Il était Al-Amin, les gens l'aimaient à la Mecque. D'un coup, ils se sont mis à le détester. À le traiter de menteur, de sorcier, de fatan, il rend mécréant mon bien, quoi que ce soit. Il sème la discorde dans notre société, oulala. Du jour au lendemain, hein? Après, il a fait le hijra, les gens, ils ont voulu l'assassiner, etc., etc. Inna sanulki alayka qawlan thaqila. Nous allons te jeter une parole lourde. Ce dîn, il est lourd. Celui qui le prend, il le prend avec sérieux. Et quand il le prend avec sérieux, il faut que ça tende à ce que ça change dans sa vie. La femme, quand elle a le hijab, ça change. Elle a des problèmes, on la regarde mal, etc., etc., hein? Quand il dit à sa famille que non, lui, arriba, c'est pas pour lui, et que donc il aura pas une belle voiture, il aura pas une belle maison, comme ça, ça change sa vie, ne serait-ce que des petites choses comme ça. Non, lui, il vote pas, c'est du shirk. Quoi, il vote pas, il est fou. Tu veux que le Front National, il passe aux prochaines élections? On te fait peur avec la dunya. On veut te ftan avec la dunya. Al-martabat al-rabi'a, al-amal. La quatrième étape, al-amal. Une fois que t'as tout ça, on n'est pas arrivé encore au fait d'appliquer. Chaud? Déjà, les problèmes, ils ont commencé. On n'est qu'à la quatrième étape, appliquer. Là, ça commence, là. Al-amal, le fait d'agir. Wa kathiru minan nasi za azama wa amila wa tabayyana alayhi wa tabayyana alayhi man yu'azimu min shuyukha ou ghayrihim taraka al-amal. Et beaucoup de gens, je pense qu'il y a une erreur ici de, dans le texte, d'impression, c'est la quatrième étape, l'acte. Et beaucoup de gens, s'il a l'intention de faire l'acte et qu'il agit, puis ensuite il voit qui? Il voit les gens qu'il respecte, comme par exemple ses chouyours, ou les gens de sa famille, ou quoi que ce soit, qui se retournent contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrête d'agir. Hein? Ça, pour les petites choses, ça arrive. Que dire alors pour les grandes choses? Il y a des gens... Quand ils ont commencé à se laisser pousser la barbe, c'est rien, c'est laisser quelques poils, on est d'accord, hein, hein, avec tout le respect qu'on a pour la barbe, quoi que ça. Quand ils ont commencé à se laisser pousser la barbe, ça a commencé déjà, le problème. Oh, la barbe, quand il a commencé à raccourcir son pantalon, au-dessus de la cheville, le problème, ils ont commencé. Quand il a commencé à arrêter la musique, à la fin, il a commencé à mettre le hijab, à ne plus se parfumer, que sais-je. On prend des petites choses, on va dire. C'est des petites choses, c'est, ça peut avoir de... Les problèmes, ils ont commencé, paf, il arrête. Vous voyez? À la quatre étapes, t'as échoué, quoi. Quatrième étape, t'as déjà laissé la moitié. Il y a des gens, à la quatrième étape, ils laissent la moitié du din, deux tiers du din, 90% du din, etc., etc. Ça l'a fait. Al-martabatul khamisa. أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. Ça ici on est arrivé au cinquième, et là le cinquième c'est le mouchkila, c'est vraiment le problème. Dis quoi? Beaucoup de gens ils agissent dans le din, vous voyez, l'ordre vient d'Allah Azza wa Jal, ils ont passé les étapes précédentes, ils ont connu l'ordre d'Allah, ils ont aimé l'ordre d'Allah, ils ont eu l'intention de faire l'ordre d'Allah, ils ont agi selon cet ordre et paf. Le problème, c'est quoi? Soit ils étaient pas sincères. Soit ils étaient pas sincères. L'acte, il était pas purement pour Allah. Inch'Allah, yuzakhna al-ikhlas. Ou alors ils étaient sincères, mais leur acte, il est pas conforme à la sunna. Ils ont fait un acte, et ils l'ont fait mal. Ils ont pas bien appris, quoi que ce soit. Il a fait la salat. Dans sa salat, il a pas respecté un pilier de la salat. C'est un exemple, par exemple. Hein? Pendant le wudu, il a pas respecté un pilier de le wudu. Au niveau de son commerce, pareil. Il y a du riba qui est rentré, etc., etc., et d'autres choses parmi les actes. Et là, il a échoué à la cinquième étape. Son acte, il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-martabatu sadisa, la sixième étape. Si déjà on est arrivé à la sixième étape, masha'Allah, la sixième étape. On a dit, la sixième étape, c'est quoi? Al-tahziru min fi'li ma yuhbitu. Le fait de faire attention à tout ce qui annule l'acte qu'on a parlé précédemment. Et il dit le cheikh, rahimahullah, anna as-salihina yakhafuna min hubut al-amal bi qawlihi ta'ala an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wa hadha min aqall al-ashya' wa hadha min aqall al-ashya' fi zamanina. La sixième étape, les gens pieux et vertueux ont peur de l'annulation de leurs actes. Salihin, ils avaient peur de ça, on l'a vu. Les sahaba, ils avaient peur de quoi? De l'hypocrisie. C'est-à-dire de ce qui, à quoi? De ce qui annule le plus les actes. La personne, il fait des actes bien, mais par son hypocrisie, c'est-à-dire l'absence de foi dans son cœur, ses actes, ils sont nuls. Vous voyez? Il disait, comme on l'a cité, et on le recitera, Inch'Allah, plus d'une fois, que Abdullah ibn Abi Mulayka, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Iman, il disait, Adraktu sab'ina min ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsi. J'ai rencontré 70 parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous craignaient pour eux l'hypocrisie. C'est-à-dire, ils craignent que quoi? Que leurs actes soient annulés. Parce qu'Allah, Azza wa Jalla, dit dans le Coran, dans Surat al-Hujurat, le verset 2, c'est la preuve qu'il a pris le shirk, أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Il dit, afin que vos actes ne soient pas annulés alors que vous n'y faites pas attention. C'est-à-dire, tes actes ils peuvent être annulés, même on l'a vu, tu peux sortir de l'islam, annuler, te condamner à l'enfer éternel en pensant être toujours musulman, en faisant un acte dont toi tu vois pas la gravité, hein, ou en prononçant une parole dont la personne ne voit pas la gravité. وهذا يجي ensuite وهذا من اقل الاشياء في زماننا. Ceci c'est très très peu répandu à notre époque. C'est-à-dire que les gens, comme il dit, les gens ils se comportent à notre époque comme s'ils avaient la clé du paradis. Comment ils disent? النار للكفار. L'enfer c'est pour les kuffar. Ils se disent comme ça, hein. Kuffar va savoir ce qu'il. الجنه لحضرتنا. Jannah, c'est pour nous. Ils disent, pour eux, c'est garanti. Ça y est? Hein? Ou al-amal, et les actes durs, hadha al-sahaba. C'est pour les compagnons du prophète. Quand tu lui parles de takalif al-sahaba, les actes durs, il te dit, oh, ça c'était les compagnons du prophète. Ça c'est sahaba, ça. Nous, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il croit qu'il va avoir le paradis, mais pas avec les mêmes choses que les sahaba, ils ont eu, ou que les prophètes, ils ont eu. Tu crois que tu vas avoir le même prix, mais pas le même salaire, mais pas en faisant le même travail. C'est pas possible, ça. Si tu veux le même salaire, il faut que tu fasses le même travail. Oulala. Al-martabatu as-sabi'a, le septième étape, as-sabatu al-haq, le fait d'être ferme sur al-haq. Et ça, par expérience, je suis pas très vieux, même si je suis le plus vieux ici, par expérience, je crois, par expérience, on sait que quoi? Que la personne, il peut connaître le haq à une période de sa vie et puis changer. Par toutes ces choses qu'on vient de citer précédemment. Des fois, c'est la dunya, des fois, c'est le cheikh, des fois, c'est la femme, des fois, c'est, je sais pas, il est fatigué, miskin, il a ses vapeurs. Et là, il reste pas ferme sur le haq qu'il a fait. Et ça, c'est grave. Et ça, on l'a vu. On les a vus, les gens, peut-être, ils se reconnaîtront certains, sallallahu sabbitak, sallallahu yahdik. Ah, ils étaient sur toutes ces questions-là, le tawhid, le shidda, et machin, le mujahidin, et je sais pas quoi que ce soit. Tu les regardes maintenant. Tas Allah al-afiyah. Je demande à Allah Azza wa Jal qui me présente. Je parle de chouyour, je parle de gens du commun, je parle des du'at, je parle de tout le monde. Nasallah et thabbitna ala al-haq. Nasallah, alhamdulillah, alladhi afana mimma btalaka ya hada. Donc, alhamdulillah, qui nous a préservé de ce qu'il t'a éprouvé. Reste ferme sur son dîne, yada. Ça y est, le tawhid, toutes ces choses-là qu'on est en train de parler. C'est pas de 20 à 25 ans, c'est même après, hein. Même quand t'as une femme, des enfants, que t'as vieilli un peu, que tu commences à avoir des cheveux blancs, c'est pareil, hein. Le dîne, il n'a pas changé, hein. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est resté ferme sur son dîne jusqu'à ce qu'il meure. Et les ulama, etc., etc. Nasallah as-sabat. As-sabatu ala al-haq wa al-khawf min su' al-khatima. Et le fait de craindre la mauvaise fin. On l'a vu ça aussi. Al-Khawf Misou Al-Khatima, c'est comme on l'a cité précédemment. La personne, il a peur à cause des hadiths. Il va citer le hadith du Cheikh, comme quoi la personne, c'est pas parce qu'il pense que maintenant il est bien guidé que ça va durer tout le temps. Il faut qu'il demande, Ya Allah, tabbitni. Allah, donne-moi, affermis-moi. Ya Allah, as'aluka husn al-Khatima. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous fasse mourir sur le tawhid, à l'absence de shirk. Dans le fait d'aimer son dîn, de se mettre en colère pour le dîn, c'est quelque chose qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. On demande à Allah qu'il nous fasse mourir et qu'il nous fasse rentrer au paradis. Les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, inna minkum man ya'malu bi'amali ahl al-janna, wa ukhtamu lahu bi'amali ahl al-nar. Na'oudhu billah min dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y en a parmi vous qui agissent selon les actes des gens du paradis, et qui, au moment de la mort, font les actes des gens de l'enfer. Sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de la mort, juste avant sa mort, Allah, il le retourne, et il finit dans les gens de l'enfer. Et ça arrive. Et ça, ça a des causes. Ne pensez pas que si la personne, il va rester dans le tawhid toute sa vie, sincère avec Allah, subhanahu wa ta'ala, faire les efforts dans la religion d'Allah, Dieu, que Allah, il va lui donner comme ça, sous le khatima. Non, ça a des causes. Sous le khatima, il a des causes. Les péchés, ça en fait partie. Les péchés, le fait de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, surtout les grands péchés, c'est une cause de sous le khatima. Ce qu'on appelle kufrun bil ma'al. Le kufru bil ma'al. Ils en ont parlé, les salafs, de ces choses-là. Ou les ulama, comme par exemple Ibn Rajab, etc., etc. Les gens qui, à force des péchés qu'ils ont faits, des fois cachés, dans leur vie, au moment de la mort, Allah Azza wa Jal, il les éprouve par sous le khatma. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi ayda, min a'zami ma yakhafu minhu as-salihun, wa hiya qalilun fi zamanina. Et cela de même, c'est une parmi les plus grandes choses que craignent les pieux. Les gens qui sont pieux, nasallahu ij'alna minhum, les vertueux, ça demande à Allah qu'il nous mette parmi eux, c'est ça qu'ils craignent le plus. C'est d'avoir fait des bonnes actions et d'au moment de la mort de se retrouver parmi les gens de l'enfer. Ensuite il dit, wa hiya qalilun fi zamanina. Et ça c'est très très très peu répandu en notre époque. Comme vous le dites. Les gens, regardez autour de vous. Ils pensent que le paradis, lui est garanti. Il a fait le haram, il a fait la guerre à Allah, subhanahu wa ta'ala, soit par le shirk, niveau en dessous, soit par la riba, soit par le bid'a, le kadhiba à Allah. Il a menti sur Allah, il a menti sur la religion d'Allah toute sa vie. Mais on dirait, pour lui, quand tu discutes avec lui, on dirait que le paradis, il a signé, quoi. Il a signé pour le paradis, le gars. On dirait qu'il lui est garanti. Non, pas vrai. Ils sont pas comme ça, les gens, Allah, musta'an. Il dit, فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم. Il dit, et le fait de, c'est ce qu'on vient de faire, le fait de réfléchir sur l'état des gens que tu connais autour de toi, comparé à ces sept étapes qu'on vient de citer, toutes ces choses qu'on vient de citer là, il dit, ça te montrera et ça t'apprendra beaucoup de choses que tu ignores. Le fait de réfléchir sur ces sept choses et les gens qu'il y a autour de toi, ça va t'apprendre beaucoup de choses de ce que tu ignorais. Wallahu a'lam, et la science revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah ja'alana wa yarzuqana husn al-khatima wa yadkhilana al-jannata wa yarzuqana al-amal. العمل الذي نسأل الله الجنة مقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ومقرب إليها من قول وعمل نسأل الله يثبتنا على ديننا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.